Je défais pas mes valises, je pose pas mes souvenirs. J'attends pas de me croire arrivé pour arrêter de courir. Je raconte mes histoires, ça les fait sourire. Ça les fait rêver, moi ça me fait juste peur que ça nous fasse souffrir. Regarde-nous dans les yeux, ils parlent mieux que nos visages. Ici on t'allume juste pour écouter ton âme. Regarde-nous dans les yeux, ils parlent mieux que nos visages. Ici on t'allume juste pour écouter ton âme. J'ai vu trop de rappeurs morts, noyés dans la frustration. Je fais des sacrifices, j'y pense même plus, je me convainc que je suis en mission. Je suis dans le brouillard, je dessine des brouillons. La vie est brutale, elle met des middle, elle vise le menton. J'essaie de pleurer, j'y arrive pas, le jour où je comprendrai, j'irai peut-être mieux. Un jour on sera peut-être vieux, je me demande où j'en serai. Je vois grandir les enfants des autres et je me demande si j'en fais. Je fais rouler la Laguna des heures sans savoir où je vais. Mental de hustler pour pas faire que de pourrir de la tombe au linceul. Pour pas faire que de courir pour sauver des meubles dont on connaît que des légendes racontées par nos vieux. Que des singles dans le Gmail, que des romans dans mon fan. Je m'arrache pour oublier le temps où je cachais des repas dans mon froc. Enfant de la France du milieu, qui connaît trop le goût du Lidl. Motivé que par la peur du vide, fini fermé comme la tête du videur. Je défais pas mes valises, je pose pas mes souvenirs. J'attends pas de me croire arrivé pour arrêter de courir. Je raconte mes histoires, ça les fait sourire. Ça les fait rêver, moi ça me fait juste peur que ça nous fasse souffrir. Regarde-nous dans les yeux, ils parlent mieux que nos visages. Ici on t'allume juste pour écouter ton âme. Regarde-nous dans les yeux, ils parlent mieux que nos visages. Ici on t'allume juste pour écouter ton âme. J'cours vers la ligne, je laisse des points de vie sur la route. Je vois mieux sans trop de lumière, je reste avec mes frères près du sol. Je cours vers l'horizon, je laisse des points de vie sur la route. Je vois mieux sans trop de lumière, je monte avec mes frères près du soleil. Maintenant c'est fini, mon nom sur des PV, mon blaze sur des affiches. Je me rapproche du pécule, je dois passer les checkpoints comme dans Need for Speed. Je mets ma vie sur logique, mes tripes dans la cabine. Je prends des pauses avec mes petits refs pour construire des cabanes. Eh, je me parle tout seul dans la rue, un pote me croise, me demande ce que j'ai bu. Moi j'ai rien bu, je veux comprendre ce que j'ai vu, du coup je me parle tout seul dans la rue. Parfois je m'endors sur des barrières, je vois de la couleur sur les trottoirs. Souvent je gris dans le ciel, un peu trop de rouge dans nos regards. Enfant de la France du milieu, qui connaît trop le goût du Lidl. Motivé que par la peur du vide, fini fermé comme la tête du vide. Je défais pas mes valises, je pose pas mes souvenirs. J'attends pas de me croire arrivé pour arrêter de courir. Je raconte mes histoires, ça les fait sourire. Ça les fait rêver, moi ça me fait juste peur que ça nous fasse souffrir. Regarde-nous dans les yeux, ils parlent mieux que nos visages. Ici on t'allume juste pour écouter.